Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Talking Catch numéro 9, votre podcast mensuel de news sur le catch et d'analyse par la team Catch Up. Aujourd'hui, je suis en direct avec Monsieur Ringside, comme d'habitude. Salut Ringside. Salut tout le monde. Donc, salut Bronk. Et ben c'est salut. On se réveille tôt le dimanche matin pour vous délivrer les meilleures news du mois. C'est pour ça que si j'ai une tête un peu déterrée, c'est normal. Pour les gens qui écoutent l'audio, vous y gagnez au change. Donc aujourd'hui, dans Talking Catch, on a le Bullet Club qui rêve d'encore plus d'indépendance. On a Daniel Bryan qui rêve de sortir de sa cage et Batista qui est un free agent exigeant. Et enfin, les blessés de la WWE nous prédisent leur retour. On va commencer avec la news numéro 1. Le Bullet Club tente un gros pari. On a appris ça donc du coup il y a ces derniers jours, c'est les Young Bucks et Cody Rhodes qui veulent organiser un show de catch en 2018 eux-mêmes, c'est-à-dire sans utiliser du moins le... comment dirais-je sans passer vraiment par la Ring of Honor, ils veulent faire leur propre show. La news vient de Pro Wrestling Sheet qui nous précise que les stars du Bullet Club sont en négociation avec plusieurs salles de spectacle et qu'ils veulent remplir une arène de 10 000 spectateurs. Pour l'instant, ils hésitent entre Chicago, Londres, San Francisco et Ontario. Ontario qui était le lieu de l'invasion du club pendant Monday Night Raw, si vous vous souvenez. Ils sont aussi en négociation donc avec la Ring of Honor pour faire venir quelques superstars du roster. En bonus, on a eu aussi un tweet de Dave Meltzer du Wrestling Observer qui a commenté en disant « La Ring of Honor ne pourrait même pas vendre 10 000 tickets », ce à quoi Rhodes a répondu « Je prends le pari ». Alors, Ringside, le Bullet Club a-t-il une popularité assez solide pour vendre ce show et quelle star pourrait leur permettre de remplir une salle de 10 000 tickets? Vous avez 2 heures. Toutes les astuces pour remplir votre stade. Ils sont en ce moment hyper populaires, le Bullet Club. Alors, remplir un show de 10 000 personnes, c'est quand même un exploit. Hein. C'est ce que remplit à peu près la WWE. Sur un pay-per-view standard, et comme les chiffres de la WWE sont toujours plus ou moins gonflés, on sait pas trop vraiment ce qu'il en est, mais en tout cas, il faudrait c'est de ce niveau-là quoi, ce qu'ils envisagent comme taille de show. Alors Cody Rhodes, c'est un peu le plus gros draw de la Ring of Honor depuis qu'il est arrivé. Les Young Bucks, ils sont au sommet de leur gloire à la fois au Japon et aux États-Unis. Là, ils sont en train de faire le nécessaire. Je pense qu'ils vont essayer de faire venir Kenny Omega, peut-être quelques Japonais, mais il va falloir qu'ils trouvent le bon endroit pour le faire. Alors peut-être pas, effectivement, ils proposent, c'est Londres qui propose. Ouais, entre autres. Ouais, ça pourrait être une idée aussi, parce que le marché anglais, il est super chaud en ce moment. Avoir un show avec toutes ces stars-là, ça pourrait effectivement faire le truc. Il y a le prix des tickets aussi qui va jouer. S'ils sont aux États-Unis, il y aura la date aussi qui jouera beaucoup, parce qu'aux États-Unis ils vont avoir de la concurrence, bien sûr de la WWE qui fait des house shows partout, qui a aussi ses shows télévisés. Et c'est vrai que l'idée de l'Angleterre est pas forcément mauvaise. On pourrait croire que bon, l'Angleterre c'est un marché moins gros, mais l'Angleterre. À ma connaissance, il y a très peu de... C'est quand la dernière fois que la Ring of Honor est passée en Angleterre ? Bonne question. On voit quand même des gens du roster américain, enfin du circuit indépendant américain faire des tournées. Il y a Marty Scurll qui va à Defiant pour l'espèce de pay-per-view de What Culture Pro Wrestling dans pas longtemps. Il était longtemps à la Progress aussi, et puis il y a vraiment énormément de fédérations indépendantes en Angleterre, et c'est vraiment un marché qui fonctionne très très bien. La Progress, elle est tout le temps à guichet fermé hein, sur ces différents shows par exemple. C'est quand la WWE vient en Angleterre, c'est aussi tout le temps un carton. Ils vendent assez cher les places en plus pour quand ils font un Raw ou quelque chose comme ça. Il était même question peut-être d'essayer de faire un pay-per-view en Angleterre. Maintenant, il y a un problème de décalage horaire qui fait que ça peut être délicat pour la WWE. C'est pas un problème que vont avoir les Young Bucks, ça, par exemple, le problème de décalage horaire, parce que si ça se trouve, ce sera même pas un show qui sera télévisé, quoi. Maintenant, voilà, ça pourrait être une solution. Après, il faut voir à combien ils vont vendre les tickets. Là, ils essayent de ramener, par exemple, CM Punk ou Daniel Bryan. Ils vont prendre toutes les cartes en main pour pouvoir faire le show le plus vendeur qui soit. Donc, tous les coups sont permis. C'est pas impossible. Maintenant, 10 000 places, ça fait quand même un gros, gros show. S'ils réussissent leur pari, je pense que c'est la meilleure période pour essayer de le tenter. Parce que ça n'a jamais été aussi hot, hein, au niveau du catch indépendant. Pour moi, c'est pas impossible. Après, pour revenir sur Metzger a pas lâché comme ça une com où il a dit c'est impossible que la Ring of Honor fasse 10 000. C'est une question Twitter qu'il a reçue Oui, où on lui a non posé mais... est-ce que vous voyez dans le futur la Ring of Honor faire un show de 10 000? Il dit là, à l'heure actuelle, ça me paraît difficile. Et comme Cody Rhodes est un très très bon communicant, eh ben hop, allez, je profite de ça, je prends la balle au bon. Qui te dit qu'on peut pas y arriver et on lance une espèce de feud fort sympathique du coup, parce que non seulement ils vont essayer de monter le show, mais en plus c'est sous une forme de pari. Ça discute qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, est-ce qu'ils ont le droit de prendre des gens de la Ring of Honor, de la New Japan, si on veut que ce soit vraiment un show indie. Moi je pense que tous les coups sont permis et puis ça m'intéresse vraiment de voir un show comme ça, les gros stars de l'indie devant un public de fous. Maintenant, on en a Moi, vu se casser la gueule sur des trucs moins dangereux. je pense que pour que ça marche, il faut qu'il dépasse ça, en fait, il faut qu'il dépasse cette espèce de concept. Parce que les stars de l'indie, comment? Les gens qui veulent voir ces stars de l'indie ou qui veulent voir un gros show indé, ils ont déjà une bonne offre aux États-Unis. Et je pense pas que ce sera un événement exceptionnel si par exemple ils prennent juste. Je sais pas moi, les mecs les plus populaires de la Ring of Honor, plus saupoudrés de 3 stars à droite à gauche, je sais pas, Zack Sabre Jr., etc. Finalement, en fait, on aura une super card of honor sans son nom, enfin, sans qu'elle ait vraiment le même nom, quoi. Je pense pour qu'ils réussissent leur pari, il leur faut un ou deux noms qui vont au-delà des indés. Qui sont. Ouais, qui sont. Alors, Daniel Bryan, c'est le nom qui tourne partout. On va en parler d'ailleurs un peu plus dans une autre news là. Mais CM Punk, j'y crois pas du tout. Hein. CM Punk, il a. À moins qu'il fasse un genre. Un virage à 180 degrés. Alors Mais. on sera quelque part sur une première, donc pour moi tout peut arriver, hein, quelque part. Hein. Ouais. Ça pourrait être l'étincelle qui fait que même si c'est que pour un soir. Il va venir se produire, voilà, il sera dans des conditions où il sera la star du show. Après, on C'est quand peut. même des conditions optimum pour faire un retour, ne serait-ce que pour une one night only, quoi. On peut compter peut-être aussi sur une revanche ou juste un match de gala Omega Jericho, hein, puisque c'est déjà en cours pour la New Japan. Donc voilà, pour l'instant. Après, c'est des initiatives. On a l'impression que il y a un peu une vague d'initiatives comme ça, parce qu'on a aussi, j'en parlais sous Skype, Jericho, qui fait sa croisière, événement, show, catch, mélange, concert, et je crois qu'il y aura même du one-man show et tout ça. Mais c'est pareil, est-ce que ça va être un gouffre financier pour lui? Parce qu'à mon avis, ça. C'est pas donné. J'ai regardé sur son site, enfin sur le site de la croisière, il y a beaucoup de place à remplir sur ce bateau. C'est pas Et Ben ça, pareil, c'est une première, hein, donc c'est pas tout le c'est monde qui peut se pas. payer une croisière, même si les prix sont plutôt abordables, je trouve, par rapport à une croisière. Mais voilà, faut se bouger à Miami, si je me gourre pas. Enfin, c'est dans ce coin-là. Donc faut que les gens se payent l'avion, etc. Hein, c'est le même truc, parce que les fans du Bullet Club, si on les rassemble, comment? Enfin, sur Internet, c'est énorme. Après, quand on regarde les shows qu'ils font ou les queues qu'il y a pour signer des autographes, on voit souvent ça dans Being the Elite, enfin sur la chaîne YouTube Being the Elite. Oui, ils sont nombreux. Après, c'est quoi? C'est 300 personnes à chaque fois qu'on voit 400 personnes. Donc, est-ce que ces types-là vont se payer un billet d'avion vers machin? Donc, Oui, c'est ça. Les Bullet Club fans seul n'ont peut pas pas. forcément le budget de se payer une croisière de Ouais, luxe. avec Bullet Club seul, ça, je pense que ça peut pas arriver là, mais qui sait, qui vont réussir Ouais, à parce que amadouer même d'ici les là. prix des tickets des shows, que ce soit Ring of Honor, New Japan ou Progress ou que sais-je, c'est pas du tout le même type de prix que ce que propose la WWE déjà à la base. Hein. Ouais. Donc, effectivement, ils sont populaires, mais est-ce qu'ils vendraient des places au même prix que la WWE vend des places, par exemple? Mais ça, c'est un problème aussi de la WWE qui a vraiment monté les prix au niveau de ces shows en général. Ça y est, faudra peut-être qu'ils y reviennent aussi, la WWE, parce que ça remplit de moins en moins. Et effectivement, je pense que le prix, c'est déjà un gros facteur du fait qu'ils vendent peut-être moins de places. Même si ça Après, leur ouais. réussit, eux, puisque même en faisant moins de places, ils gagnent plus d'argent, la WWE, ils ont un modèle financier qui fonctionne vachement bien. Mais pour quelqu'un qui est en train de monter sa compagnie, enfin entre guillemets, pour les indépendants, il faut quand même faire attention à pas être hors de prix par rapport à ce qu'on propose au final. Ouais. Ou après ils peuvent être au-dessus d'un show de la Ring of Honor s'ils en font véritablement un super show. Ce qu'il y a, c'est que si, enfin voilà, c'est ce que je disais au début, en fait, ça va être compliqué si c'est un Bullet Club show uniquement. Ouais, non, il va falloir qu'ils sortent des Bullet gros Club noms, et hein. leurs amis, quoi. Donc voilà, c'était la grosse news de ces derniers jours. Je regarde un peu le chat là. On a Charo qui nous dit le Bullet Club sera avec Summer Rae. Merci, Charo. Merci Charo, oui, ça c'est une bonne idée, effectivement, hein. Ça devrait ramener Écoute, des places, hein. ça a buzzé. Je pense que Ça va remplir des chaises. Je pense que les 50 fans de Summer Rae à travers les États-Unis se déplaceront pour ce show. News numéro 2, c'est le retour compliqué de Daniel Bryan. Alors ça, c'est une histoire qui dure et qui dure. Comme vous le savez sûrement déjà, Daniel Bryan, ou Bryan Danielson, de son vrai nom, veut revenir dans le ring malgré ses multiples commotions et de nombreux avis médicaux négatifs sur son futur. Dans le ring, la superstar contraint à la retraite en janvier 2016 a dévoilé en interview sur la chaîne de Sam Roberts qu'il avait 85% de chances qu'on le voie dans un ring bientôt, mais seulement 20% de chances que ce soit dans la WWE. Il a aussi précisé qu'il ne voudrait pas reprendre le rythme WWE. Sans pour autant faire uniquement que des grosses dates, il préférerait trouver un deal où il peut revenir chez lui souvent, par exemple 2 matchs par mois. Enfin, il a ajouté que de nombreuses personnes le soutiennent à la WWE, mais il met ça, enfin donc du coup il met le fait que qu'il puis, enfin qu'il soit pas autorisé, il met ça sur le compte des avocats hein, de la compagnie qui veulent pas prendre de risques. Rappelons aussi que Daniel Bryan a tweeté lors de l'annonce de Kurt Angle remplaçant Roman Reigns à TLC, intéressant hein, sur Twitter avec un petit emoji comme ça. Pour suggérer que la WWE avait fait un peu deux poids, deux mesures hein, pour les deux vétérans. Enfin, Kurt Angle un peu plus vétéran que Daniel Bryan. Mais Kurt Angle a aussi parlé du retour de Bryan dans une séquence questions-réponses hein, sur Facebook, sur le Facebook de la WWE. Et l'ancien médaillé olympique, qui a lui aussi donc du coup des antécédents, hein, si vous savez, il s'est brisé la nuque, il est donc revenu catcher pour TLC le 27 octobre. Il a dit, j'ai passé tous les tests physiques et je n'ai eu aucun problème au cou pendant 12 ans. Daniel Bryan n'a pas réussi le test des commotions et il en a subi 10 pendant sa carrière à la WWE. C'est triste qu'il prenne personnellement le fait que je puisse catcher, mais pas lui. Donc Ringside, est-ce que finalement Daniel Bryan est un mec un peu trop obstiné ou tu penses que c'est justifié et tu voudrais bien le revoir dans le ring? Et dans quel ring d'ailleurs? Eh oui, moi j'adorerais le revoir. Ben, voilà, WWE hein, en particulier. Hein, c'est quand même une grosse perte pour moi hein, dans le roster, à mes yeux. Bon, on a bien vu que ça a fait souffrir notamment des mecs comme Roman Reigns hein, qui ont pas pu s'établir comme ils le voulaient, puisque les gens voulaient Daniel Bryan, quoi qu'il arrive. On a perdu quand même deux grosses top stars hein, avec CM Punk et Daniel Bryan à la suite. Je pense que ça fait un peu de mal ça à la WWE en général. Maintenant, c'est clair qu'il est sur un problème de commotion cérébrale qui est quand même inquiétant parce que si c'est pour qu'il remonte sur le ring et qu'il finisse en légumes pour sa retraite, c'est quand même pas quelque chose qu'on a envie de soutenir. Hein. On sait ce que ça donne, quoi, les mecs qui ont subi des commotions cérébrales à répétition. Et on a eu des exemples par le passé où ça peut aller très loin. Hein. Donc, est-ce que c'est dangereux pour lui, c'est dangereux pour son entourage? Ça fait beaucoup de choses. Kurt Angle, il est effectivement pété de partout. On a un mec comme Matt Hardy aussi, on se demande comment il a réussi à passer les tests physiques. Mais on va dire que c'est des trucs qui sont articulaires, on n'est pas sur les commotions cérébrales, quoi. C'est pour ça. Moi, je suis divisé parce que effectivement, j'ai envie de le revoir, mais si c'est pour qu'il s'abîme la santé, maintenant. Il y a beaucoup de médecins qui disent qu'il peut monter sur le ring. La situation n'a pas beaucoup changé hein, depuis qu'il a été suspendu. C'est toujours les médecins de la WWE qui ne veulent pas lui donner le feu vert, alors que le reste des médecins est OK pour qu'il reprenne sa carrière. Alors après, effectivement, sur un format allégé, peut-être avec un autre style de catch un peu moins jusqu'au-boutiste. Il a cité ça pas mal de fois dans les interviews qu'il avait appris un nouveau style dans le ring beaucoup plus safe. Ce que je trouve assez contradictoire en fait, parce que il n'arrête pas de répéter je suis en condition, je m'entraîne. Il a aussi il utilise des je sais plus il a parlé d'une nouvelle méthode hyperbolic time enfin chamber je sais pas quoi enfin bref il fait des trucs expérimentaux pour tester à fond, enfin pour prouver chaque jour à la WWE qu'il est capable. Mais en même temps, donc du coup, il parle de ce nouveau style de catch plus safe. Et je me dis, si... Du coup, oui, le message est un peu contradictoire, je pense, pour les mecs ne serait-ce que pour les mecs de la WWE, dans le sens où... Dit... Tout va bien, je suis en forme, etc. Et en plus, j'ai fait. Enfin, je vous propose genre une nouvelle palette de moves beaucoup plus safe. Donc, du coup, ça veut dire quand même que quelque part, il n'a pas lui non plus 100% confiance. Enfin, c'est un peu. Je trouve ça étrange. Moi, personnellement, oui, j'aimerais bien le revoir. Après, avec les informations qu'on a, malgré tous les docteurs qu'il peut avoir, qui valident son retour dans le ring, je me dis non. Enfin, c'est tant pis. C'est pas, j'ai pas envie de. Voilà, j'ai pas envie de entre guillemets, enfin c'est pas moi qui prends le risque, mais j'ai pas envie de le voir risquer ça. Surtout que je pense que ça gâcherait presque justement son retour dans le sens où on passerait le temps dans ses matchs à observer à quel moment il va faire le bump qui est risqué, à quel moment toutes les deux secondes Surtout est-ce qu'il est en si. train de faire du selling, est-ce que c'est il est Ouais. vraiment blessé? Surtout qu'il serait capable de jouer là-dessus dans le booking. Oui, bah ça, oh ça, non, ils il lui font. A mis un coup à la tête. Et ça, la WWE, ils le font dans le cas de blessures, bah, pas tout ce qui est blessure à la tête, etc. Mais Seth Rollins, ils ont fait ça exactement quand il est revenu de sa blessure à la jambe. Ils ont refait le spot de la blessure à la jambe, juste pour faire peur aux gens. Donc voilà, mais bon là, là c'est un peu plus sérieux. Donc on n'a pas de nouvelles là-dessus. Moi ce que j'espère c'est qu'au moins s'il revient, en effet, qu'il revienne à la WWE. Pas parce que je préfère regarder les matchs à la WWE, mais parce que je sais que s'il revient à la WWE quand même, c'est ils auront vraiment poussé les tests et tout ça au maximum. Plutôt que si il commence à accepter un contrat dans je ne sais quelle fédération à droite à gauche, parce que là pour le coup bah c'est les mecs c'est pas forcément qu'ils sont mauvais, c'est pas forcément qu'ils sont mal intentionnés, mais ils ont pas le niveau, enfin ils ont pas la le niveau de régulation qu'il y a la WWE. Tu prends rien que la New Japan, qui est quand même peut-être la deuxième fédération au monde. Il c'est pas safe du tout hein, quand tu catches là-bas. Hein, t'as vite fait de te prendre un bump qui fait mal parce qu'ils n'ont pas les mêmes normes de sécurité que la WWE. Ça s'est vu encore cette année. Il y a pas mal de. Avec par exemple Shibata, hein, qui a. Voilà, sa carrière elle s'est arrêtée après un match parce qu'on lui a laissé faire des trucs. Jamais à la WWE, ils auraient laissé faire hein, des coups de boule, les gits, voilà, 30 minutes de show, tu t'exploses depuis le tablier du ring jusqu'en bas sur le béton. Ça laisse des traces quand même. Hein. Et puis là-bas, ils n'ont pas beaucoup de protection au sol. Hein. C'est ça. C'est pas, ils sont obstinés là-dessus. Au Japon, tu tombes par terre, c'est du dur à chaque fois. Bon, on va passer à la news numéro 3, c'est Bautista qui veut revenir lui aussi. Alors Bautista, lui, par contre, il est en forme. Hein. Mais Bautista est devenu une superstar d'Hollywood avec ses participations dans Guardians of the Galaxy, Blade Runner, Avengers. Il a parlé à Jim Ross, hein, dans le podcast de Jim Ross fin novembre, de ses négociations avec Vince McMahon sur un possible retour, et particulièrement du fait qu'il a donc du coup des conditions précises hein, pour son retour. Il ne veut pas que ce soit juste pour un match. Il veut redevenir un membre à plein temps du roster, faire les house shows, participer à de longues storylines. Et il a précisé qu'il n'aimait pas les cheap pop. Donc voilà. Il me semble avoir lu, alors par contre, c'était pas dans le même article que sa feu de rêver, bah, c'était contre Triple H. Enfin, ce serait contre Triple H. Pas de risque. Bon, ça c'est une grosse histoire entre les deux. Donc. À 48 ans et avec son emploi du temps, pas sûr que ça se fasse. Mais qu'en penses-tu, mon cher Ringside? A-t-on besoin d'un second retour de Bautista à la WWE quand on essaye tant bien que mal de pousser les nouvelles stars? Bah, ce serait intéressant, mais alors pas pour un affrontement contre Triple H. Il faudrait qu'il soit utilisé pour effectivement faire monter les jeunes pousses, comme on dit. Et puis il faudrait qu'il soit dans une meilleure forme que la dernière fois qu'il est venu, parce que c'était pas très flamboyant. Ça n'a jamais été quelqu'un d'exceptionnel dans le ring, Bautista, seulement à la fin de sa carrière, vraiment quand il était juste avant de prendre sa retraite, là il avait enchaîné quelques bons matchs, mais il a toujours été un petit peu limité. Et puis on voit qu'il avait pas mal perdu, que ce soit en musculature, que ce soit en technique dans le ring la dernière fois qu'il est venu, donc ça donne pas vraiment envie de le voir faire un retour. Après, il n'était pas content non plus de sa performance. Il aurait voulu revenir en heel et pas en babyface comme ils avaient tenté de le faire. Donc, s'ils réfléchissent bien à comment l'amener sur un programme qui serait pour mettre en valeur un jeuneau, bah, par exemple Finn Balor, ça serait pas mal pour lui d'affronter un truc comme Bautista. Ça pourrait le faire. Mais alors vraiment que ça, hein. Sinon après je le vois mal faire vraiment un run où il serait en house show toutes les semaines, etc., à faire des matchs, ça, j'y crois pas du tout. Est-ce que finalement il est pas envieux de Randy Orton? Peut-être, je sais pas. Parce Je que sais même Randy pas en Orton, plus. c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, il est revenu. Il n'y avait pas vraiment. Même si moi, ça m'a fait plaisir, du moins au début. Il n'y avait pas vraiment de raison de ramener Randy Orton. Enfin, du coup, la raison principale qui nous a valu une feud mémorable, c'était Bray Wyatt. Mais donc, finalement, Randy Orton, après ça, il n'avait pas vraiment. Enfin, du moins pour moi, il n'avait pas vraiment de raison d'être là, à part le fait qu'il était sous contrat. Il n'y a pas eu de grand Bah projet, oui, je le truc trouve, pour Randy c'est que Orton depuis, malgré le fait qu'il ait eu la ceinture, etc. J'ai jamais eu l'impression qu'il avait vraiment. Il y avait un grand projet pour construire quelque chose d'incroyable avec Orton, ou même comment mettre en valeur des superstars. J'ai pas l'impression que Randy Orton a beaucoup mis en valeur le Ah bah roster. ils en sont servis pour Jinder Mahal. Oui, pour Jinder. Mais bon, comme C'est Jinder Mahal, difficile de mettre c'est un en échec valeur complet. Jinder Mahal. Là, il a fait le boulot cette semaine pour Kevin Owens. Après, Randy Orton, il n'a jamais été trop question qu'il parte. Il était sur la touche pendant un long moment parce qu'il était blessé. Il est revenu de blessure. Oui. Il n'a pas, lui, de projet à l'extérieur de la WWE où il va pas faire une carrière au cinéma. Et Et pourtant, ça a quel toujours acteur? été. Et pourtant, quel acteur de talent. Mais ça a toujours été un top main eventer, Randy Orton. C'est l'enfant chéri de Vince, un peu, et de tous les bookers. Il est considéré, pareil, même Chris Jericho le dit, que c'est l'un des meilleurs, peut-être le meilleur worker de la WWE, mais qu'il ne se donne pas, quelque part, les moyens de le prouver dans le ring. Donc, c'est censé être. Randy Orton, pour moi, c'est censé être la top star en fait de la WWE, mais comme il s'est jamais levé le cul plus que ce que de raison, bah, ça n'a pas fonctionné. Il s'est fait piquer le spotlight par Cena, par Batista justement, puis après la nouvelle génération derrière. Mais dans les programmes, à chaque fois, il est toujours au top. Hein, il peut redevenir champion à n'importe quel moment, Randy Orton. C'est pas, c'est un peu la carte joker, quoi, j'ai envie de dire. Il est toujours considéré comme un grand main eventer, etc. Même si lui ne nous intéresse plus trop, mais ça reste une des plus grosses stars de la compagnie. Donc après, Batista, effectivement, il est à peu près du même niveau, un cran au-dessus, c'est peut-être un draw au-dessus, mais je pense que le temps est passé, puis je vois pas comment il pourrait faire coïncider sa carrière au cinéma, qui commence quand même à fonctionner relativement bien. Et une carrière à plein temps à la WWE, ça me paraît un petit peu bizarre. C'est vrai que c'est ce que je comprends pas là-dedans. C'est-à-dire que oui, là, il a le cinéma qui fonctionne très bien pour lui. Il se fait entre guillemets booker dans les dans des dans des big box office. Enfin, des grosses, des blockbusters, voilà, je cherchais le nom, des blockbusters à droite à gauche. Et au début, on pouvait croire que ça allait être, bon, un peu les blockbusters. Genre, je sais plus, il était dans. C'était quoi la momie? Non, c'était pas la momie. Enfin, bref, il a commencé avec des blockbusters qui étaient pas géniaux, mais bon. Et là, il commence à vraiment être. Pris au sérieux, hein. S'il est dans Blade Runner, c'est pas, tu prends pas un sous-acteur pour jouer dans Blade Runner. Sur le chat, on a donc Malik Erzaoui qui nous dit donc du coup pour Batista, chapeau, c'est une top star et il veut faire les house shows. Moi, je dis oui. Et ensuite, il nous dit Orton, son retour est un flop sérieux, mis à part la feud avec Wyatt où la fin est gâchée. Donc oui, ce que je trouve dommage en fait avec Orton, même s'il n'était pas comment, même s'il n'était pas techniquement à la retraite, c'est que ces Il est grosses encore stars, jeune, Orton, hein. ouais, Il ne sera et pas à la retraite tout de suite, hein. si comment, quand t'as des grosses stars comme ça qui sont absentes aussi. Enfin, j'ai envie de dire aussi longtemps. Je sais pas combien de temps il a été absent, mais ça devait être une bonne année quand même. À peu près, ouais. Je trouve ça dommage de pas en profiter pour justement à l'arrivée proposer quelque chose d'un peu plus épique que ce qu'on a en général, parce que voilà, c'est une top star. C'est un peu comme les rivalités avec Brock Lesnar, tu vois. Mais c'est Brock Lesnar, donc du coup, la rivalité est direct beaucoup plus prenante. Et je pense qu'ils n'ont pas réussi ça avec Orton, alors qu'il y a le potentiel. Mais donc voilà, sur ce retour de Batista, hein, on a aucune après, nouvelle. Un Brock Lesnar Batista. Bien booké comme ils ont bien booké Goldberg, Brock Lesnar, ça pourrait être quelque chose. Ça pourrait être quelque chose. Mais il faut que ce soit bien booké. Après, Ouais, histoire. on va encore avoir tout l'internet des smarts qui va pleurer. Oh, c'est comme Brock Goldberg, on fait pas pousser les jeunes talents. Enfin, même moi, hein, je pleurais là-dessus, donc. Mais. Bref, donc voilà, pas plus d'informations pour l'instant sur Batista, mais voilà, sa carrière à Hollywood se passe très bien. Peut-être que ça lui suffit pas en fait, hein. Peut-être que Il gère finalement, très mal son argent. Moi aussi, mais là quand même, faut le faire, hein, parce qu'avec les films qu'il a fait, je pense qu'il a quand même un bon pécule. La news numéro 4, c'est une sorte de condensé. J'ai appelé ça les blessés et les virés. Donc j'ai condensé les infos qu'on avait sur tous les blessés et les virés de la WWE ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Et puis après, donc du coup, après chaque mini news, on aura un petit commentaire ou un gros sur ce qui se passe. Alors Drew McIntyre qui s'est froissé un biceps lors de son match contre Andrade Cien Almas à NXT WarGames. Il a perdu donc le titre, hein, le même soir. Ça avait pas de rapport avec sa blessure, hein, il était censé perdre le titre contre Cien Almas. Sur Twitter, il y a quelques jours, il nous a annoncé revenir plus fort qu'avant en 2018. Et on a Pro Wrestling Sheet qui nous dévoile que le plan est de revenir à temps pour WrestleMania début avril prochain. Est-ce que t'imagines, est-ce que Drew va revenir à NXT? J'espère pas. J'espère qu'il va aller directement dans le roster principal. Il a pas grand chose à faire à NXT. Il avait déjà pas grand chose à y faire quand ils l'ont fait revenir. Si ce n'est faire des jolis matchs contre Roderick Strong et contre Almas, hein, par exemple, et puis un peu contre tout le roster, c'était sympa. Mais pour lui, pour sa carrière, c'était vraiment rentrer par la petite porte, surtout vu les capacités physiques qu'il a désormais, le talent qu'il a pris au micro. Le physique en lui-même, moi j'aurais capitalisé dessus tout de suite, je l'aurais envoyé de Raw affronter je sais pas qui, mais en tout cas faire un impact, par exemple prendre la ceinture intercontinentale au Miz, ça aurait fait une belle entrée en matière le premier soir où il arrive, ouais. Hein, le Miz qui se laisse tenter par un open challenge et puis voilà. Donc voilà, j'espère que quand ils vont le faire revenir, ils vont l'envoyer directement au main roster. Le seul bémol que j'ai, c'est sur le dernier takeover, comme j'ai vu qu'il n'était pas très pas si populaire que ça auprès de la foule, ouais. Qui a quand même popé beaucoup plus pour Almas. Et ça, on n'était pas près de la j'en ai parlé pendant je crois la review de WarGames. On était à WarGames, c'était où, Dallas? Non c'était Houston. Houston, ouais, je crois, ouais. Enfin, un des deux. Texas, ouais. Donc je me disais, bon après c'est juste mon espèce de ouais, on sait pas trop, j'imagine, hein. Mais en fait c'est juste qu'on est pas loin de la frontière, hein, du Mexique, tout ça, donc aussi il y avait peut-être de ça dans le public, hein, des fans mexicains, ou du moins qui ont des origines. Peut-être tout simplement le fait qu'il est pas américain. Ça, Vince, il met souvent ça en avant pour éviter, par exemple, de pêcher Cesaro, disant qu'il n'est pas américain. Bah, peut-être qu'effectivement, ça se vérifie certains endroits où, parce que le mec n'est pas américain, bah, les gens ne vont pas le popper comme ils devraient le popper. Parce que là, il n'y a pas vraiment de raison de huer Drew McIntyre. Il y a quelques exceptions. Sheamus, il a bien été champion face, non? Je ne sais plus s'il était face. Ouais, mais alors... chez Meus, ça a jamais été la top star je crois quand même qu'il était plutôt heel quand il était champion. Ah bon, chez Meus, ouais, il y a eu la fois où il a gagné contre Daniel Bryan, quand Daniel Bryan était heel. Ah oui, pendant la WrestleMania. Mais c'était toujours assez fade. Je pense pas que Sheamus à l'époque avait des pops qui étaient Non, non c'est plus sûr. exponentiels. Mais ça, finalement, peut-être que ça peut être effectivement un frein, le fait de pas être américain pour être le top guy, je veux dire le top guy tout en haut de la promotion, l'équivalent de Cena. Hein, je vous parle pas d'un upper mid-carder, parce qu'on est toujours à la recherche du nouveau Cena. À la recherche de la nouvelle Cena. Voilà, j'aurais bien vu Drew McIntyre rentrer dans le truc, mais effectivement, ça peut être un handicap. Mais en tout cas, voilà, je pense pas que ça sert à grand chose de le renvoyer encore une fois à NXT. Envoyez-le dans le roster, ça évitera de se blesser. Et puis, il y a des grandes choses à faire avec lui parce que c'est un putain de performeur maintenant, il y a un putain de monstre physique, quoi. Donc, avec la belle gueule qui va avec, quoi. Après, moi j'étais pas. Enfin, je trouve que c'est plutôt logique qu'il leur fasse passer par la case NXT. L'histoire que. Après, qu'est-ce que ça représente le public d'NXT par rapport au public qui va dans les shows principaux? Ça c'est la question éternelle. Hein. On n'en sait pas forcément grand-chose. Si on regarde le nombre d'abonnés au network par rapport à l'audience. Des shows C'est télévisés dans la dérisoire. semaine, c'est pas grand chose, hein. Je crois que c'est quelque chose comme 5% un truc, ou 10%. Bah, je sais pas combien, je crois que t'as 1 million d'abonnés au network, et puis les shows TV font 2 millions, 6, 3 millions. Oui, donc oui, enfin, c'est un peu plus, mais on va dire grand maximum. Après, je te c'est un parle tiers. Des abonnés, voilà, des abonnés du network, après les savoir si eux regardent NXT, oui. C'est encore autre chose, quoi. Mais donc. Je trouvais ça à la limite, au moins pour le bruit que ça peut faire, je trouvais ça que ça plutôt intéressant parce que à NXT ils ont le temps d'expliquer que voilà c'est un nouvel homme etc. Alors que dans le roster principal je pense que il aurait pu être justement sa nouvelle personnalité aurait pu être vite vite enterrée si justement ils font pas les efforts. Pour lui laisser du temps au micro ou pour voilà pour raconter des choses autour et puis il peut arriver donc du coup dans le roster principal en avec cette histoire derrière il est revenu nouvelle personnalité il est devenu champion NXT en temps record et voilà bon il y a ce nouvelle background. Revanche à prendre mais je pense qu'il était prévu qu'il passe au roster principal oui non mais clairement après cette défaite. Là, je vois pas d'autres. La donne va changer aussi à NXT, puisqu'ils vont passer à la. Ils vont être programmés à la télévision, apparemment. Hein. Ça va, et oui. Ça va passer sur. USA Network. Sur USA Network. Enfin, donc, USA Today, je sais plus. Ouais, enfin, USA, là où il est diffusé. Peut-être un petit peu changer la donne au niveau d'NXT. Donc, à voir, parce que les impératifs ne seront pas les mêmes. Il va falloir faire de l'audience, etc. etc. des problèmes qu'ils n'avaient pas à NXT. On va voir s'ils pourront expérimenter encore. J'ai pas lu en entier cette news que tu m'as envoyée là juste avant. C'est tout frais. C'est tout frais. Nous, on vous donne des news toutes fraîches ou pas fraîches du tout, des mots. Mais bref. Qu'est-ce que c'est le concept? Est-ce que c'est exactement l'émission qu'on voit sur le network ou c'est quelque oui, chose? Oui, je pense parce que c'est l'émission, elle passe dans des pays étrangers. Ah. C'est pour ça que tu as des coupures de pub au milieu du show, etc. Mmh. Parce que c'est déjà calibré pour pouvoir passer à la télévision. Ouais, ça, c'est un truc sur le network, je comprends. Ouais. Tu payes un abonnement, tu tapes des pubs au milieu des shows. C'est ça, mais c'est parce que c'est le montage est fait pour être passé à la télé, en fait. Donc voilà, bah maintenant, ça va passer sur USA Network. Donc je pense que ce sera le même show. Maintenant, il y aura forcément des modifications parce que une fois que tu as l'impératif de l'audimat, etc., ça va forcément jouer d'une manière ou d'une autre sur le contenu. Ouais. En espérant qu'on parte pas sur un échec comme la nouvelle ECW qui était un petit peu l'équivalent à une époque. Mais c'est pas un peu risqué aussi ça Enfin bon, il reste les pay-per-view, il reste les pay-per-view, ok, mais finalement pour quelqu'un qui comment? Ah, pour un produit d'appel pour le network, tu veux ouais, dire voilà. C'est-à-dire que quelqu'un qui est abonné au network, moi je sais que le network, ce que je regarde dans le mois, si je regarde pas le pay-per-view, je regarde que NXT en fait. C'est ça. Bon, pour moi c'est pareil. Bon après nous on n'a pas le choix donc. Est-ce que ça va monter le buzz sur les takeovers du coup? Est-ce que tu vois, Oui, remarque, donc les c'est pas gens voudront faux. acheter le network Ouais. pour voir le takeover. C'est pas. Après, il faudrait qu'il y ait en contrepartie d'autres contenus qui arrivent sur le network. Apparemment, ils sont en train de travailler ça quand même. Ils parlent aussi d'un programme sur Facebook Live. Ouais, j'ai vu ça il y a pas longtemps et ils veulent faire des matchs diffuser certains matchs sur le Facebook Live et je Ouais, sais plus avec si peut-être un c'était mélange de 205. roster. Ah oui, non, c'était Voilà, mélange un peu. 205 main roster, je crois que c'était ça. C'est assez, je sais pas, c'est assez particulier, puis je pense pas que ça marche hein, parce que c'est Plus. Facebook Live, c'est pas fait pour les longs contenus. C'est pas fait pour Ouais, je pense aussi, ouais, je suis pas. Enfin, moi, en tout cas, j'aurais Tu du vas pas mal à aller le rester fixé regarder. à voilà, tu vas pas rester fixé sur ta page Facebook pendant je sais pas 30 minutes. Ça. Après, l'apport de NXT sur USA Network, je pense que ça va jouer pour la renégociation aussi du contrat télé et plus de Ouais. contenu. Ils pourront vendre ça plus cher, etc., etc. Ils sont très malins au niveau de la négociation des droits télé. Ils augmentent, ils ont un Et ça contrat, j'ai lu rapporte ça beaucoup y a... plus que tout le reste, de toute façon, ça. J'ai lu ça il y a pas longtemps, ils ont un contrat qui augmente automatiquement les revenus chaque année. Année. C'est-à-dire que USA Network paye plus cher chaque année pour ce que propose la WWE, alors même que les audiences baissent. Ouais. C'est quand même très très malin. Et oui, voilà, ils sont un peu piégés. Après, oui, les audiences baissent, Mais n'empêche que ça là, on reste va très très bonnes fêter audiences. combien? 25 ans? C'est ça. On va fêter C'est ça. 25 ans, le show le plus qui est resté le plus longtemps à la télévision américaine de toute l'histoire. Ouais, je peux dire peut-être d'autres choses. Mais... Ils sont Si, toujours à si. 2 millions, 2 millions 5. Mais je crois qu'ils étaient. Je sais plus, pendant un temps, ils étaient en dessous des Simpsons ou je sais pas quoi. Et... C'est plus vieux que les Simpsons. Oui, non, mais c'était au niveau. Oh, je sais plus quelle statistique, mais bref. C'était à l'époque où ils nous balançaient des statistiques sur leurs audiences et tout ça. Ils ont arrêté de faire ça d'ailleurs. Ils faisaient ça encore Ouais. il y a 3-4 ans, mais genre, oh, regardez, on a fait tel chiffre le mois dernier. Ouais. On était premier hier soir, un truc comme ça. Ouais. Toujours Donc, malin de faire ça. voilà. Regardez, on est important. Continuez à Ouais. regarder. Donc ça c'était sur Drew McIntyre. Je pensais qu'on allait faire vite, mais Big Cass était en On interview sera plus chez... vite sur Big Cash, je Ouais pense. voilà. Big Cass était en interview chez Sam Roberts hein, début novembre pour parler de sa blessure qu'il tient à l'écart du ring. Depuis, alors là par contre j'ai pas noté depuis quand Big Cass, ça fait au moins 2 mois je pense. Donc outre son apprentissage de l'espagnol, hein, qui l'occupe bien pendant sa rééducation. Espagnol. Il a repris l'espagnol, c'est important. Sûrement, peut-être ça fait de rêver, c'est contre Cian Almas, je sais pas. Peut-être. Et Il serait très bien en luchador comme ça avec un masque, faire des pirouettes. il bosse dur pour revenir et nous annonce que c'est prévu pour juste après WrestleMania. Et dernière petite anecdote, il fait de la rééducation avec Rob McIntyre, l'entraîneur de John Cena. Ah. Voilà. Donc voilà, si vous vous inquiétez pour Big Cass, voilà, ça sera pas avant le Raw après L'euro Mania. du voilà l'euro du lendemain. Voilà. C'est bien, ça on le verra pas à Mania, tranquille, et il reviendra peut-être tout musclé comme John Cena. C'est pas mal, et puis il arrêtera peut-être de faire de son coup de pied par-dessus la troisième corde, là, complètement idiot. C'est vrai que ce serait pas bête qu'il prenne un peu de il prenne un peu de musculature hein. C'est ça. Parce qu'il fait un peu asperge Big Un Cass. peu grassouillé comme ça. Grassouillet? Non, quand même pas. Hein. On va parler du trublion hein, de ces dernières semaines hein. Lio Rush donc si vous ne connaissez pas Lio Rush hein, en fait c'est une nouvelle star de NXT hein. Qui est anciennement, alors Ringside, tu vas pouvoir me corriger. Je crois qu'il était à la Ring of Honor C'est ça. Il a été aussi en tag team avec celui qu'on connaît maintenant comme Velveteen Dream, Patrick Clark. Voilà. Ouais, puis il a pas mal tourné aussi chez les indépendants, Evolve et compagnie. Voilà, mais il était sous contrat avec la Ring of Honor quand il s'est fait comment dire, recruter par la WWE. Et je crois qu'il avait gagné le top talent de la Ring of Honor, top search. Voilà, ils font une recherche de talent tous les ans et il avait gagné une annuelle. Donc, il est pas loin de se faire virer, hein, après son tweet assez gênant sur le départ d'Emma de la WWE. Donc ça, c'était il y a quelques semaines quand même, hein, il y a pratiquement un mois. À l'époque, il avait tweeté « C'est ce qui se passe quand on n'est pas prêt pour Asuka hein, », référence au match Emma-Asuka à TLC. Si je me trompe pas. Une remarque qui a valu des critiques publiques de... alors c'est Billy Kay ou Peyton Royce. Je crois que c'est Peyton Royce, Bray Wyatt ou encore Natalia. Il est revenu sur ses propos de façon assez étrange. Ensuite, il s'est excusé qu'on n'ait pas compris son tweet. Mais il regrettait aussi qu'on en fasse des caisses. Donc il a depuis supprimé les mentions WWE de son compte WWE ou NXT de son compte Twitter et Instagram, et il a changé son lieu de résidence puisque je crois qu'il avait mis Orlando avant et maintenant il a mis Columbia. Enfin, notons qu'il n'a pas participé aux enregistrements de NXT de fin novembre. Ah, tu m'en apprends de belles. Donc attends, oui. Ça j'ai NXT tapings, Leo Rush. Ça, je l'ai entendu dans le podcast de Fightful. Hein. Je ne l'ai pas vérifié dans les news, mais je l'ai entendu dans le podcast de Fightful. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce Leo Rush? Est-ce que c'est Il est un passé. Il est complètement con. Voilà, beaucoup de talent dans le ring, mais faut quand même être idiot pour avoir lancé le tweet qu'il a lancé. Hein. C'était sûr que ça allait lui revenir en travers de la gueule. Ça, c'est un tweet que tu peux te permettre quand t'es fan, mais pas. Mm-hmm. Tu parles pas comme ça de tes collègues de boulot. Bah non, je pensais pas que c'était fini pour lui là, parce que si tu me dis qu'il a déménagé d'Orlando, qu'il met plus les références à la WWE NXT sur son compte Twitter ou Instagram, on a déjà vu pour certaines personnes quand ça se passait comme ça, généralement ça se terminait par une fin de contrat. Et c'est bon, j'ai bien confirmé là sur Cage Side Seats, donc la news du 30 novembre, ils disent bien que donc c'était c'est un gars sur Reddit qui était au tapings donc de cette semaine, il n'y avait pas Leo Rush dans les tapings, enfin dans les enregistrements de NXT qui se sont déroulés cette semaine, et donc du coup c'est pour les 4 prochaines semaines, je crois. D'accord, bah il sera all-in alors, le show de Cody Rhodes. Ouais. Un nom de plus sur la. Je sais pas, si c'est un bon nom à rajouter. Enfin, c'est un bon nom dans le ring, mais alors pour le buzz du truc. Super super populaire dans le milieu indie. C'est pas des gens. Le public indie va pas s'offusquer parce qu'il a il s'est foutu de la gueule des mares. Mais par contre, si tu veux faire une carrière, si il revient en heel, t'es mal barré. Ouais, ça c'est pas pas gênant pour revenir comme ça dans le circuit indé, mais c'est sûr que pour la WWE, c'est plutôt dommage. Après, je suis pas sûr qu'il avait un grand avenir à Stamford, hein, parce qu'il est vraiment tout petit et il a un peu une tête de con. Et voilà, bon, il est spectaculaire dans le ring, mais on sait très bien qu'ils le laisseront pas faire les trois quarts de ce qu'il sait faire. Donc, Puis après, c'est pas à la WWE. Compatible. En plus, si c'est une forte tête. Ouais, à la WWE, ça te mène pas forcément très loin si t'es juste spectaculaire dans le ring. Voilà. Je pense à Cédric Alexander là en ce moment. C'est quelqu'un qui est fantastique dans le ring, hein, au niveau athlétique, mais au niveau du charisme, enfin un mélange entre l'écriture qu'il lui donne et son manque de charisme, ça fait que je pense pas, ça va être difficile qu'il aille plus loin que là où il est, et c'est un peu, je pense que c'est un peu le cas de Leo Rush, du peu qu'on a vu de lui backstage. Donc dans le chat on a quoi, Richard qui nous dit quel dommage Big Cass ne sera pas à WrestleMania, je suis vraiment triste, lol. Et on a Malik qui dit ce sera le retour surprise à Raw, mort de rire. Je sais pas s'il parle de Big Cass ou de Leo Rush. Non, je pense qu'il parle de Big Cass. Il y a un petit décalage entre le chat et là notre live. Leo Rush, retour surprise à Raw, je pense pas. Non, ouais. C'est difficile. Donc voilà, on n'a pas confirmation hein, pour l'instant de son départ quand même, mais tout indique que que ça va dans cette direction. On va ouais, parler. Il reviendra peut-être en équipe avec Neville. Ouais. Mecs qui font semblant de partir. Bah tiens, Neville, tu voulais qu'on en parle vite fait. Donc du coup, bah, j'ai noté une phrase. Il est toujours pas viré de la WWE et on ne fait rien d'autre. Voilà. Voilà. Hein, parce qu'on était assez formel dans la dernière émission sur le fait qu'il allait quitter le navire. Bah pour l'instant, c'est pas fait. Hein, donc. Enfin, ouais, c'est voilà. Qui met à coup le pas. Voilà, apparemment, il y a des discussions comme quoi il allait peut-être revenir dans le roster principal, sorti des cruisers, mais bon, bah. En plus, je crois qu'il a même genre pas tweeté, pas sorti un seul tweet depuis toute l'histoire là. Donc, on a Emma. Donc, pour les bonnes nouvelles sur Emma, hein, parce que ça c'est vraiment moi qui rajoute ça parce que franchement, c'est pas une énorme news, mais donc virée de la WWE pendant le ménage d'automne, elle a déjà des bookings pour 2018. Par contre, comme toutes les stars de la WWE, elle a une clause hein, qui l'empêche de catcher pendant quelques mois, mais elle reprendra le ring le 3 février à WrestlePro contre Angelina Love, que je ne connais pas du tout, en main event. TNA. Ah d'accord, c'est une superstar de la TNA. Elle va aussi faire quelques apparitions dans le ring ou juste pour de la promo, dans des petites fédés et des événements. Alors oui, j'ai vu quelques affiches, des moments, c'est des événements, des moments des fédés, mais c'est que des trucs que je connais pas. Donc il y a What Wrestling, Absolute Intense Wrestling, ça c'est une fédé, Remix Pro et Superstars of Wrestling aussi. Hein, ça c'est une autre, enfin c'est une fédé. On va dire c'est ce genre de fédé qui fait que des promotions. Voilà, c'est que des promotions qui font des événements de temps en temps. Donc voilà, je vous rassure tous les fans d'Emma. Elle a du booking, même si c'est pas dans les plus gros, c'est pas dans les plus grosses fédés du monde. Est-ce qu'on parle souvent de la Ring of Honor, de la TNA, de la New Japan comme des indépendants, mais c'est pas vraiment des indépendants. Voilà. Hein, ils ont ça, tous c'est des de l'indépendance. Ça, c'est du voilà, terroir. Là, on est vraiment sur de l'indépendant, indépendant. Donc, bon courage à elle, j'ai envie de dire. Bah oui, faut espérer que ça fasse un peu de vague, du moins les matchs qu'elle fera, histoire que bah ensuite y ait de l'intérêt. Apparemment, bon après ça c'est encore des rumeurs, mais apparemment elle demandait quand même assez cher pour sa prestation, et donc voilà, ça peut-être que ça a un peu freiné justement des grosses fédés qui ont pas justement qui n'ont pas forcément besoin de sa popularité, contrairement à des petits trucs, enfin des petits trucs, des plus petites fédés qui du coup lâchent le billet, mais ça va être le plus gros truc qu'ils auront cette année, quoi. On a eu James Ellsworth qui a été relâché dans la nature par la WWE mi-novembre dans un silence total, puisqu'il n'avait plus rien à faire à part se costumer en chien pour faire rire Carmella. Il était sous contrat depuis septembre 2016, juste après son squash match contre Braun Strowman à Raw. Voilà, bon, sur internet, tout le monde a salué. Très bon run, bravo James, tout ça. Enfin bref, c'est pas comme si tout le monde était en pleurs. Donc voilà, bon, on n'a pas forcément de commentaires. Je pense qu'il avait, il avait plus rien à faire hein, dans... Ton show, ça se voyait. Oui, c'est, voilà. Et puis là, avec le physique qu'il a, le talent qu'il a, il a fait une belle carrière, quoi. Pas s'attendre à beaucoup plus. Voilà, bah, ça va lui faire. Il va pouvoir enchaîner les petits shows aussi en indépendant grâce au nom qu'il s'est fait, quoi. La WWE, il en ressort gagnant. Hein. Maintenant, il fallait pas s'attendre non plus à une carrière de 20 ans hein, sur un personnage comme ça. Oui, bah, c'est une blagounette. C'était une blague qui a duré bien longtemps. Qui a valu des bons moments aussi. Hein. Il a... Ah bah, j'ai plutôt bien aimé moi tout son run. Il y a pas grand chose à part quand il venait perturber un petit peu le run de AJ Styles. Mais pour le reste, c'était plutôt dessus. Il m'a toujours fait marrer moi. James Ellsworth. J'aurais pu le garder encore un peu pour faire le con dans les vestiaires, ça m'aurait pas dérangé. Je crois que mes moments préférés, même si toi t'as pas aimé le passage avec AJ Styles, ça reste quand même les segments qu'il avait avec Dean Ambrose. Oula. J'aimais pas le principe, mais à chaque fois qu'il venait, il me faisait marrer quand même. Donc, c'était le dîner c'était de con. C'était quand même quoi. Très réussi. James Ellsworth, je pense qu'il pourrait jouer dans une version américaine du dîner de con. Ça serait. C'est ça. C'est vraiment un personnage détestable, mais qui faisait rire, qui voulait quoi. C'était. Non. Moi, j'aurais bien aimé le voir encore un peu quand même dans le. dans le roster faire des conneries, un peu comme les nos amis de la Fashion Police là, ou des gens comme ça qui viennent juste pour faire rigoler un petit peu. Après, bon, la Fashion Police, moi je trouve ça un peu dommage de comment qu'ils soient aussi limités à ça et qu'on leur donne un match tous les deux mois, parce que bon, quoi qu'on en dise, Tyler Breeze et Fandango dans le ring en tag team, c'est une bonne tag team. Ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr. Donc c'est un autre sujet. On va finir avec Austin Harris, qui s'est expliqué il y a peu sur son départ de la WWE dans une longue promo à House of Hardcore début novembre. C'était une mélange de shoot et kayfabe, hein. Donc il a parlé de son manque de passion totale, hein, lorsqu'il est arrivé à WrestleMania, qui était censé être le pic de sa carrière, mais il s'est désigné comme seul responsable de son départ, disant que son attitude était difficile à supporter pour les autres, et maintenant il veut redevenir le meilleur Austin Harris qu'il a jamais été, c'est-à-dire reprendre son premier gimmick, The Truth. Un peu plus tôt dans le mois, il était chez Chris Jericho. Il a précisé que son départ n'avait rien à voir avec le booking de la WWE ou le fait que son match ait été supprimé du DVD de WrestleMania. Les producteurs n'avaient juste plus aucun plan pour Austin Harris et ils ne comptaient pas le garder. En plus, c'est tombé au moment où il devait faire de la rééducation. Je crois pour je sais plus quelle blessure en particulier, mais il a précisé donc du coup chez Jericho que la WWE a été quand même sympa parce qu'ils lui ont laissé 2 mois de plus pour utiliser le Performance Center pour sa réhabilitation. Donc voilà, hein, la vérité vraie sur Austin Harris. Finalement, il y a pas de bad blood, hein, comme on dit chez les Américains. Il y a pas d'histoire. Sulfureuse, hein, c'est juste qu'ils avaient pas de plan pour lui. Après, c'est quand même sacrément dommage parce que lui, il a précisé aussi que il était ouvert à toutes les propositions, hein, qu'il avait dû dire. Et Austin Harris, quand même, c'est un mec qui a une palette. Enfin, je veux dire, il sait faire les commentaires, il sait faire de l'humour, il sait faire de l'interview. Voilà, je trouve que c'est quand même un gros gâchis de pas utiliser ce type là, ne serait-ce que pour moi j'aurais adoré qu'il fasse, franchement ça m'aurait poussé à regarder 205 si il était à la table des commentateurs à 205 à laquelle il a été pendant qu'il était blessé à l'œil quelques mois, donc gâchis total package. Ouais, clairement, ouais, c'est ça le plus triste dans l'histoire, c'est-à-dire que il y avait quelque chose à faire quand même avec Austin Harris, surtout quand on voit ce qu'ils sont en train de faire avec la division 205 Live, où ils font rien, quoi, quasiment. Alors j'ai beaucoup aimé l'interview avec Chris Jericho parce que ça démystifie vraiment tout l'imaginaire qu'on peut avoir autour de son licenciement, tout notre talking catch qu'on a fait sur Austin Harris. Voilà, on imaginait le mec frustré qui avait des ambitions de devenir champion, alors que pas du tout, hein, ouais. il était très conscient du stade où il était. Il y a des choses qui l'ont étonné dans la manière de bosser à la WWE, où voilà, c'est quelqu'un qui aime bien poser des questions et il a pas forcément les personnes qui sont aptes à lui répondre en face de lui, hein, puisque on va lui dire quelqu'un va venir lui dire de faire ça ce soir, il va demander pourquoi, la personne dira je sais pas, on m'a dit de venir te le dire, et voilà, il faut remonter toute la hiérarchie pour avoir le fameux d'histoire qui doit venir de Vince ou Kevin Dunn. Maintenant, il n'était pas du tout, particulièrement envie d'être champion. C'était un catcheur. Il explique clairement, oui, il y a des possibilités de faire d'Austin Harris un champion, mais ça demandait beaucoup de travail. Moi, j'avais une bonne position d'être le mec qui vient travailler avec les autres pour mettre en valeur, par exemple, Neville ou n'importe qui. Et ça lui posait pas plus de problèmes comme ça. Donc, c'est bien, ça démystifie un peu toute cette chose qu'on voit là sur Internet, ouais. Des gens qui disent, ah, il est mal booké, le pauvre, il doit être triste, il ferait mieux d'aller au Japon, ça doit être malheureux pour lui, blablabla. Alors qu'en fait, non, les mecs, ils ont leur salaire, ils rentrent à la maison. On doit avouer quand même qu'on a un petit peu fait partie de ces gens-là, hein, pendant un temps. Enfin, du moins, moi, je me souviens dans le Talking Catch où on en a parlé, on parlait du fait que dans cette rivalité avec Neville, ça allait dans un seul sens, quoi. Je crois qu'il avait eu peut-être une victoire et c'était à 205, c'était pas, ouais. Bah, c'est ce qu'il explique, hein, qu'il était babyface, qu'il a perdu tout le temps. Donc pour lui, c'était un peu bizarre pour espérer faire de lui quelque chose d'autre qu'un mec qui vient là pour une pige, quoi. C'est le même problème qu'a Ziggler, qui est venu parler aussi chez Edge et Christian. Bon, lui, il dit quand même qu'il n'est pas très content de ne pas être le champion, mais il le dit d'une manière, bon, parce qu'il faut le dire, quoi. Pour rester crédible en tant que catcheur dans la compétition, il explique que lui, à l'heure actuelle, il est ce qu'il dit le gatekeeper, quoi, le gardien de la porte pour les nouveaux qui arrivent, hein, comme on l'avait bien compris. Mais que pour lui, le problème, c'est qu'il a quand même perdu de nombreuses fois ces derniers temps et que du coup, il commence à plus être trop crédible face aux jeunes qui arrivent. Et lui, son taf, c'est de faire croire au gosse de 8 ans qui est dans l'arène qu'il peut gagner le match face, par exemple, à un Bobby Roode qui arrive. Voilà, il dit. Là, c'est un petit peu difficile pour lui à l'heure actuelle. Il fait valoir un petit peu une idée aussi, comme quoi il va peut-être, il faut qu'il se fasse une décision s'il reste ou pas. Maintenant, on sait très bien que. Bon, après, ça fait quoi ? Ça fait 2 ans que Ziggler tease le fait qu'il va rester ou pas. C'est la négociation quand c'est l'heure de refaire le contrat, quoi. Mais de toute façon, il est 100% WWE Ziggler, donc il n'aura pas, il a rien à faire autre part. Il n'ira pas s'expatrier au Japon, hein, parce qu'il faut quand même y aller, hein, s'expatrier au Japon. Ouais. Bon, je pense qu'au final, Austin Harris, il aurait bien aimé rester à la WWE quand même. Bon, maintenant, ça s'arrête. Il n'y a pas de raison qu'il ne réembauche pas plus tard. Il a tenté un truc avec son interview, enfin sa promo là à House of Hardcore. Ça n'a pas très bien fonctionné. Ce que j'ai pas dit, le public pendant sa promo a commencé à gueuler des boring, ensuite shut the fuck up, je sais pas quoi, mais en fait apparemment c'était genre une rangée de je sais pas une vingtaine de gars plutôt bourrés. C'est pas des shows immenses, hein, à House of Hardcore. Et d'ailleurs il les a bien rembarrés, c'était très drôle. La promo est franchement très bonne. Moi j'ai beaucoup aimé, donc si vous êtes intéressé, tapez sur YouTube Austin Harris House of Hardcore promo et vous allez tomber dessus direct. Et c'est franchement une très bonne promo. Après, est-ce que c'était le lieu pour faire cette promo là? Sûrement pas, parce que c'est ce qui me dérange, moi, c'est que pour moi c'est pas une bonne promo parce que ça fonctionne pas clairement le soir où il l'a fait. Après, elle est plutôt bien foutue dans ce qu'il raconte, et il est surtout, il se lance un challenge à lui-même de vouloir être babyface dans les indépendants alors qu'il a quasiment tout le temps été heel. Et apparemment, son projet là, c'est d'avoir un petit run en indépendant où il va se vendre comme top babyface pour promouvoir aussi un petit peu sa philosophie vegan. Hein. Il est genre de type que CM Punk, hein, quelque part, c'est Austin Harris. Il a un bouquin à vendre aussi, hein, où c'est une sorte de bouquin genre des leçons de vie et tout ça, quoi. Donc voilà, c'était à peu près tout pour les news de la journée. Je regarde un peu le chat, il y a Maxence qui est arrivé entre temps. Salut Maxence. Hello, Maxence. Un duo Nigel et Harris aurait été super pour 205, même si Joseph n'est pas si mauvais. Bah exactement, putain, Nigel McGuinness et Austin Harris, ça serait excellent. C'est ça. Et Nigel, il est vachement mieux que quand il est arrivé. Ou ah oui, quand oui, il s'est alors, il a tellement progressé. Hein, maintenant c'est excellent ce qu'il fait. Effectivement, avec Harris, ça aurait pu être bien sympa, effectivement. Ouais. Après, le truc, c'est que Nigel, après, ça laisse Mauro Ronaldo avec Percy. Il serait un peu dans la merde, hein, Mauro Ronaldo, s'il a que Percy Watson. Il me gourre pas. Ouais, c'est ça. Percy, c'est le Byron Saxton d'NXT, quoi. Bon. Je sais plus, la dernière fois, McGuinness lui pose une question et l'autre, il fait quoi? Et McGuinness, il lui ressort la question, mais vraiment. Il a du mal, il a du mal avec l'accent de McGuinness, hein, à chaque fois. Donc voilà, mais bon. Et on voit que la WWE chérit quand même un peu. C'est quand même. C'est bien, c'est sympa de lui donner un petit boulot à ce Percy. Et ce qui est encore plus rageant, c'est que ils virent Harris comme ça. Enfin, ils virent Harris. Ils lui disent on n'a pas de projet pour toi. Et ensuite, on voit que Corey Graves est utilisé pour les deux shows. Tellement ils font confiance à personne d'autre. Donc c'est dommage. Et puis en plus, Corey Graves il a peut-être pas vraiment envie de faire le commentateur, je pense, Austin Harris. Hein. Il l'a fait parce qu'il était blessé, etc. Mais je pense pas que ce soit son plan de carrière d'être commentateur. C'est des gens quand même qui aiment bien performer dans le ring, ouais. Sinon ils sont un peu frustrés, quoi. Mais voilà, enfin, ça c'était une petite aparté sur Corey Graves, qui est commentateur pour les deux shows pile au moment où on a Survivor Series, le seul moment, ouais, de l'année où Raw et SmackDown se font face à face dans le ring. pas très malin, ça. Le débat de la semaine, je me suis pas souvenu du nom de la rubrique. Si vous vous en souvenez dans le chat, n'hésitez pas. Le débat de la semaine, donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis sur le chat. C'est quel espoir pour les deux nouvelles factions de Raw et SmackDown, c'est-à-dire Absolution, qui est constituée de Paige, Mandy Rose et Sonya Deville, et le Riot Squad, Ruby Riot, Sarah Logan et Liv Morgan. Donc tout ce beau petit monde qui vient, sauf Paige de NXT. Enfin, tout le monde vient de NXT sauf Paige. Donc voilà, une symétrie quasiment parfaite en plus entre les deux équipes, puisque on a une meneuse qui est punk, enfin brune punk un petit peu. Ensuite on a une blonde habillée un peu babyface. Ensuite on a un peu la bagarreuse. D'un côté c'est Sonya Deville, de l'autre côté c'est Sarah Logan. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Ringside, déjà de ce qui se passe maintenant, là, ce qu'on a eu comme promo, comme perspective? Ah, moi, je suis plutôt satisfait de ce qui se passe, surtout au niveau du retour de Paige, qui me rappelle à quel point elle est douée au micro. J'ai vraiment bien aimé, là, les deux dernières semaines, son arrivée et ce qu'elles ont fait dans le ring. Les deux qui l'accompagnent, donc on a Mandy Rose et Sonya Deville. Sur Mandy Rose, j'ai pas trop souvenir de ces matchs à NXT. Non, bah, elle a eu, je pense, en un an, elle a dû avoir deux matchs à NXT. Ouais, ouais, pas plus, quoi. Sonya Deville, j'ai jamais été trop fan. Je pense qu'elles sont là vraiment pour jouer les gros bras à côté de Paige, et que tout ça, de toute façon, c'est pour réinstaller Paige sur la carte. Je vois pas dans quelles conditions elles pourraient avoir un avenir phénoménal, les deux là, dans la WWE, du moins pas avec les gimmicks qu'elles ont en ce moment, parce que bon, il y a un peu la blonde standard et puis la fighteuse MMA, mais pas vraiment les geeks, donc ça fonctionnera pas, surtout que s'il y a derrière le Ronda Rousey qui arrive et ses copines, hein, ou Shayna Baszler, qui sont les geeks, elles, en tant que catcheuses shoot wrestling, quoi. Donc je pense qu'elles auront plutôt un avenir du style mistourage, hein, ces deux filles-là. Après, ça va être des catcheuses standards. Là, c'est quand on... C'est la séquence de l'émission où on dit des trucs qu'on va regretter plus tard. Hein, grande championne. Ah bah là, c'est le risque du fantasy. Enfin, c'est pas fantasy booking, mais c'est prédiction. C'est ça. Et puis pour SmackDown, on a pris un peu plus de risques parce qu'on a pris trois no-names, hein, en quelque sorte. Maintenant, il y a beaucoup plus de talent du côté de SmackDown. Après, Ruby Riot est un peu moins no-name quand même que les deux autres. Parce ouais, mais c'est pas elle a été un peu plus mise en valeur suiveurs, à NXT. Pour les suiveurs d'NXT, ouais, pour les suiveurs d'NXT, mais y a pas, c'est Paige, elle a, ah oui, c'est déjà une star, tu vois. Ruby Riot, c'était une babyface de NXT, quoi. Donc, au niveau work rate, donc comme je disais, c'est beaucoup plus intéressant. Sarah Logan, elle est assez, assez bonne dans le ring aussi. Liv Morgan, c'est peut-être un cran en dessous, mais elle a un catch un peu original et bondissante. Elle saute dans tous les sens, comme ça, elle peut monter, ouais, sur ressort. C'est pas non plus... Elle est comme un feu d'artifice du 4, voilà, juillet. Un feu d'artifice. elle va exploser dans tous les sens. Ça va être très joli. Comme elle l'a dit sur SmackDown. Ouais, alors ça, par contre, oui, c'était pas au niveau... Je suis une heel et je suis comme un feu d'artifice. Tu vas faire exploser toute ma haine. Haut dans le ciel. Toutes les couleurs. Ouais, bon, il y a un problème de, par contre, au niveau des scénaristes qui sont, ils sont moins inspirés sur SmackDown. Mais elle risque peut-être de faire plus d'impact à SmackDown qu'à Raw. J'espère qu'on va partir peut-être sur un booking pour mettre en valeur Charlotte au final. histoire de réhabiliter Charlotte comme une championne vraiment, vraiment dangereuse, puissante. Je les vois mal gagner la ceinture, que ce soit Ruby Riott ou ses comparses pour l'instant. Mais disons que ça peut leur permettre de se placer vraiment correctement dans le roster du show bleu. Par contre, sur Raw, effectivement, je vois bien, ça va vraiment servir à Paige pour revenir au sommet. Les deux autres, je les vois descendre quand même assez rapidement après dans le roster. Elle a un match prévu contre Sasha Banks, sinon Paige au prochain Raw. Ouais. Donc, cool, hein. Je pense qu'on va installer déjà une feud, même si c'est pas pour la ceinture tout de suite. Donc voilà, je regarde un peu le chat. On a Maxence qui nous dit « Percy, j'ai l'impression qu'il sert à rien à NXT. » On a Moro et Nigel qui commentent et tous les quarts d'heure, il réveille Percy à côté de la plaque. C'est ça, c'est le futur Booker T. Richard, ah, moi j'adore Booker T en ce moment. Booker T raconte de la merde en permanence et il se contredit et c'est génial. Et à chaque fois, il y a Corey Graves qui dit mais tais-toi. Tu as dit l'inverse il y a 5 minutes. Richard qui pense que l'équipe de Raw va marcher mais SmackDown va rater. Et que Liv Morgan a recopié le look de Carmella. Et, oui, c'est quasiment le même gimmick, hein, les deux. Maxence qui nous dit Liv Morgan, c'est Carmella, mais sans micro. Tu veux dire sans talent au micro ou sans micro tout court? C'est pas... Sans talent au micro, oui. Je suis pas sûr que Carmella a un grand talent non plus au micro, mais. Bah moi mon avis là-dessus c'est un peu le même que Richard pour l'instant, c'est-à-dire que l'équipe de Raw a un beaucoup plus une écriture beaucoup plus claire que celle de SmackDown, c'est-à-dire que même si c'est un peu facile, on a compris que il y a Paige et les deux qui donc du coup ont justifié leur présence en disant c'est Paige qui a démarré la Women's Revolution et vous êtes des imposteurs ou des impostrices. Des imposteuses. et donc voilà, bon, c'est en clair, elles travaillent pour leur reine, quoi. Donc on sait que il y a pas une histoire de les trois qui veulent dominer ensemble. De toute façon, il n'y a pas de tag team hein, chez les filles. C'est un peu le bruit qui court en ce moment. C'est est-ce qu'il y a assez de filles pour faire une ligue tag team, etc. Bon, pour l'instant, il y a rien là-dessus. Mais donc, vu qu'il n'y a pas de tag team de filles, clairement, c'est Paige qui sera qui est mise en avant et qui est en route pour la ceinture. Par contre, à SmackDown. C'est un peu plus compliqué parce que tout ce qu'elles disent, c'est simplement bah on est là pour retourner la division. Y a personne de. Elles ont pas de cible particulière. Enfin, c'est un. Bon, oui, elles ont attaqué Charlotte là. Je crois que c'est dans le dernier. Elles ont isolé Charlotte. Elles ont isolé Charlotte, bien sûr. Bon, c'est parce que c'est la championne. Mais disons qu'il n'y a pas. Pourquoi. Enfin, même si. À part le fait qu'elle soit méchante, pourquoi elles attaquent spécifiquement Charlotte? Il y a un manque. Disons que c'est pas au même niveau au niveau de l'écriture. C'est pas au même niveau aussi au niveau du catch, hein, parce que j'ai beau adorer et défendre Ruby Riott là depuis qu'elle est à SmackDown, c'était pas terrible hein, ce qu'elle a fait. Sarah Logan et Liv Morgan, bon oui, ça reste un peu plus. Je dirais que je ferais quand même plus confiance à Liv Morgan qu'à Mandy Rose. Clairement. Après aussi, parce que Liv Morgan, on l'a beaucoup plus vue dans les shows NXT et qu'elle est correcte dans le ring. C'est pas hallucinant, mais. Voilà, pire. Voilà. Surtout, en fait, les gens se plaignent du fait qu'on ait deux storylines qui sont très très similaires. Ça ne soit pas déjà relié au bout de la deuxième semaine. Hein. S'ils sont pressés, les gens, hein. il faut que tout se connecte. Mais ouais, est-ce que c'est un challenge? Est-ce que finalement, c'est pas Vince, dans son côté complètement pervers, qui a lancé un challenge en disant « Bon, alors, on va mettre deux factions. » Trois femmes, elles ont le même gimmick quasiment chacune, Et enfin, il y a toujours la réplique de l'une dans l'autre division, et c'est qui va être le plus populaire, sachant que bien sûr, comme Raw est le A show, le show principal, on met quand même Paige, ce qui donne un large avantage à Raw. Moi, Mais j'espère. Ouais. c'est Non, mais j'espère juste qu'ils arrivent à construire quelque chose d'intéressant à SmackDown. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Enfin, je suis plus intéressé par la tag team, enfin l'équipe, la comment, la faction de SmackDown, pas par rapport à leur talent dans le ring, mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'enjeux dans le fait de monter trois superstars qui sont inconnus du grand public, plutôt que faire monter juste Paige et deux larbins entre guillemets. Qui vont pour le coup avoir plus de mal à être mises en valeur, je pense, parce que elles seront toujours les larbins de Paige, comme on a les larbins du Miz, le Mistourage, et comme on a, etc. Donc finalement, on dit que c'est similaire, visuellement c'est similaire, mais la construction est un peu différente. Mais c'est là qu'on voit un peu les limites des scénaristes de la WWE, c'est-à-dire que tu as un côté trois catcheuses, mais tu as Paige. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font un scénario, c'est la revanche de Paige qui était absente, truc classique, mais au moins ils arrivent à l'écrire. De l'autre côté, ils ont une page blanche avec trois nouvelles qui arrivent. Et là-dessus, par contre, ils sont pas foutus d'écrire quelque chose de novateur. C'est on vient et on veut casser des têtes, et ça va pas plus loin que ça. Donc c'est vraiment là, on voit qu'au niveau des scénaristes, alors faut mettre quand même séparé scénariste, booking, Vince derrière qui sait comment monter les shows, etc. Mais au niveau de la scénarisation des dialogues écrits, on voit quand même qu'ils sont super limités au niveau de ce qu'ils produisent, notamment à SmackDown, et notamment sur un cas comme ça où ils avaient à peu près, je pense, toutes les possibilités pour écrire quelque chose d'original. Et au final, c'est quasiment du vent, quoi, ce qu'ils proposent. Hormis trois catcheuses qui arrivent et qui veulent faire l'impact, quoi. Il y a rien d'innovant, il y a rien de nouveau, et puis en plus c'est quasiment le copier-coller de ce qui se fait à Raw. Et à Raw, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose d'assez classique aussi, la revanche de Paige. Voilà, c'est un peu comme si elle est, c'est un peu le Miz en version féminine, quoi. Ouais, et c'est un peu ça arrive souvent à la WWE, c'est un peu genre la charrue avant les bœufs. Ils ont une idée de. En fait, ils ont une. Des moments, ils ont une feud excitante, ou alors une idée comme ça excitante, mais en fait, ils arrivent et ils font bon, bah on fait ça, et puis qu'est-ce qu'on fait après? Ah bah non, je sais pas. Et donc, du coup, c'est sur le papier, ça peut être intéressant, et il va falloir juste attendre qu'ils se triturent les neurones pour nous en faire. Pour donner de la consistance à ces personnages. Après, dans le chat, on a Maxence qui nous dit: j'ai du mal à voir Riot en leader. J'attends de voir son évolution, mais je la vois mal diriger une équipe. Ouais, bah c'est déjà qu'ils ont loupé leur coup quelque part. Parce que Ouais. normalement, ils auraient dû l'imposer comme leader déjà à la première apparition, Et j'allais mettre en. au bout J'allais de 2 semaines, quoi. Ça aurait dû être, ils auraient dû mettre l'accent dessus déjà Eh, pour. ça s'appelle le Riot Squad. C'est ça. Mais je mettrais quand même le bémol sur le fait que, ouais, enfin, t'as du mal à voir Riot en leader. Par contre, clairement, au micro, c'est celle qui gère le plus, hein, dans ce qu'on a vu à SmackDown. C'est plutôt pas mal ce qu'elle fait au micro. Après, c'est aussi celle qui avait le moins de phrases pourries. Parce que Sarah Logan qui nous parle de, avec son accent du sud, qui nous parle de Après la chasse au la semaine ragondin. dernière, on a posé des pièges et cette semaine, on a récupéré le gibier. Voilà, ça c'est quand je parle des mauvais scénaristes, voilà, sur les dialogues, putain, quand t'es obligé de sortir ça à l'antenne, c'est chaud, quoi. Ça peut être n'importe qui, il faut vraiment avoir du talent pour pouvoir transcender le truc, hein, parce que là, putain. Voilà. Donc, ouais, bah, finalement, mon avis, c'est qu'est-ce qu'il y a, enfin, quelle équipe a le plus d'espoir de marcher, je dirais celle de Raw, mais celle qui m'intéresse le plus, c'est celle de SmackDown, bizarrement. Donc voilà. Ouais, ils sont comme souvent, ouais. D'accord. Ah, on a Richard qui part regarder NXT Wargames, et bah bon pay-per-view, c'est de la balle, Ouais. tu vas t'amuser pendant 2 heures, c'est un excellent pay-per-view. Donc voilà, C'est gentil. On est terminé pour ce débat. N'oubliez pas d'ailleurs, dans les commentaires, si vous regardez ce podcast en décalé, dans les commentaires sur YouTube, n'hésitez pas à nous suggérer des nouveaux sujets de débat, que ça soit sur la WWE ou même en dehors de la WWE, sur le catch en général. Talking Catch, et bah c'est tous les mois sur Catch-Up. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, bien entendu, puisque là, quand je vous parle, on est en direct sur YouTube, on fait tous nos shows en direct, toute la semaine, enfin toutes les semaines, on a Catch-Up Raw, Catch-Up SmackDown, on a les reviews des pay-per-view, on a une review de TLC, on a une review de NXT Wargames, on a même des pré-shows maintenant, hein, dès qu'on peut les faire. Donc voilà, si vous voulez regarder nos prédictions mauvaises. Alors mes prédictions on a Survivor Series aussi, et mes prédictions de Survivor Series, le 100%, et Ringside aussi, je crois, le 100%. Voilà. Donc voilà, vous avez Talking Cash, c'est un peu le repère des gens qui ont du flair. C'est ça. Talent de la prédiction. Je remercie énormément Ringside d'être venu pour ce nouveau Talking Catch. C'est moi qui te remercie. On s'excuse un peu du retard aussi pour ce Talking Catch, hein, parce que normalement on fait pile tous les mois à 4 semaines d'intervalle. Là, je crois qu'on est à 5 semaines. Mais donc voilà, hein, on a un travail à côté, nous. Mais on vous remercie beaucoup de nous avoir regardés. N'oubliez pas de mettre un super like sur la vidéo, comme ça nous permet d'être un peu plus visible. On n'est pas loin des 300 abonnés, ça serait super sympa d'avoir 300 abonnés avant la fin de l'année. Et donc voilà, laissez vos commentaires, vos suggestions, vos réactions sur les news. Je remercie tous les gens qui sont dans le chat, que ce soit Maxence, Richard, Malik, tous les gens qui sont passés. Donc voilà, n'oubliez pas twitter.com/catchupcdc si vous voulez savoir quand on stream, donc du coup en live, tous ces podcasts. facebook.com/catchupcdc si vous préférez Facebook, hein, on poste tous les podcasts là-dessus. Je crois que j'ai tout énuméré, tout est bon, tout est ok. On vous souhaite une très bonne semaine ou même un très bon mois plein de catch. N'oubliez pas, donc du coup, Talking Catch, ce sera numéro 10, ce sera dans un mois. Et Catch Pro dans quelques jours. Abonnez-vous pour savoir quand on poste toutes nos réactions. Aussi, des moments où on poste des réactions à chaud. Ringside, il n'y a pas longtemps, a fait une réaction à chaud sur la vidéo de C'est ça le catch, sur l'histoire du catch féminin. Il n'était pas très d'accord. Vous saurez pourquoi en regardant la vidéo. Pas d'accord du tout. Voilà. Gros bisous. À plus. Et je vais balancer le générique tout de suite. 1 et 2 et 3.